La ville de Pékin se dit en chinois. Beijing. Bei veut dire de la victoire. Beijing. Jing pousse vers coucher. Beijing. Est-ce que ça a un sens? Bei signifie nord. Jing signifie habituellement grande ville ou capitale. Donc c'est la capitale du nord. Beijing. Donc, pour répondre à notre question « Pourquoi dis-tu qu'elle n'est pas à la maison maintenant ?» vous pourriez dire « Parce qu'elle est à Pékin ». Alors, « parce que ?» Je me demande comment dire « est à ». C'est le même mot que « se trouver à » ? Oui, exactement. D'accord. Quelle était la réponse ?« Parce qu'elle est à Pékin » ou « parce qu'elle se trouve à Pékin ». Ouais. Tra zai bei jing. Parce qu'elle est à Pékin. Yin wei ta zai bei jing. Parce qu'elle est à Pékin maintenant. Yin wei ta xian zai zai bei jing. Bei. Bei. Jing. Jing. Beijing. Bei veut dire de la victoire. Jing pousse vers coucher. Beijing. Pour prononcer le jing correctement, comme pour le jing du Moyen-Orient, il faut que la langue vienne frapper les dents du haut. Beijing. Beijing. Donc on reprend. Parce qu'elle est à Pékin maintenant. Yin wei ta xian zai zai Beijing. Elle n'est pas à Pékin maintenant. Ta xian zai bu zai Beijing. Elle n'est pas à Pékin maintenant. Ta xian zai bu zai Beijing. Le mot habiter ou vivre dans le sens de vivre quelque part, comme dans je vis à la maison ou j'habite à la maison, ce mot se dit en chinois zhu. Zhu, doigt noir pointé vers le sol, zhu pour dire habiter ou vivre. Le jour où j'ai montré à ma nouvelle conquête l'immense demeure que je louais dans les beaux quartiers, elle m'a dit « Tu habites là ? Tu te joues de moi ou quoi ?» Alors dites-moi, où habite-t-elle ? C'est-à-dire, elle habite où ? Elle habite à quel endroit ? Ta zhu zai na. Où habite-t-elle ? Ta zhu zai na. Elle habite à Shanghai. Alors ma collègue va vous dire comment on dit Shanghai en chinois. Shanghai. Shang, doigt noir pointé vers le sol. Hai, veut rouge de la victoire. Shanghai. Et ces mots ont un sens. Ils signifient. Shang veut dire sur, au-dessus de. Hai veut dire mer, au-dessus de la mer. Shanghai. Et comme vous le savez, Shanghai est une ville portuaire située au bord de la mer. Et vous venez donc d'apprendre deux mots nouveaux. Donc, elle habite à Shanghai. Ta zhu zai Shanghai. Elle habite à Shanghai. Ta zhu zai Shanghai. Mais maintenant, elle habite à Pékin. Ke shi ta xian zai zhu zai bei. Jing, Beijing. Mais maintenant, elle habite à Pékin. Que shi, ta xian zai, zhu zai, Beijing. Vraiment? Zhen de ma. Vraiment? Zhen de. Vraiment? Zhen de ma. Vraiment. 真的。